Ride o caro la tua elvia. sont sens. Avec quel charme, mais aussi quelle tristesse, je devrais les détruire. Je ne puis. Thank you. Oh.

Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。